belle, si nous étions des dansus au bois, la belle, si nous étions des dansus au bois, en s'y mangerions fort bien des noix, en s'y mangerions fort bien des noix, en s'y mangerions à notre loisir, nic-nac, non, muse. Belle, vous m'avez ton barli picoté par votre beauté. La belle, si nous étions des dansus viviers, la belle, si nous étions des dansus viviers, nous y mettrions des petits canards. Ensemble.